Les peuples révolutionnaires du monde admirent le président Kim Il-sung qui a mené à la victoire la guerre coréenne de libération de la patrie et accompli de grands exploits immortels dans la lutte anti-impérialiste et anti-américaine et la cause d'émancipation de l'humanité. Dans leur message et lettres de félicitations adressés à l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, le président du Centre d'études de la politique de Sungun du Brésil, le chef du groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée de Russie, le président de l'Association d'amitié Slovénie-Corée et le secrétaire général du Parti communiste du Congo démocratique ont exalté le président Kim Il-sung comme héros légendaire du XXe siècle qui a créé les méthodes de combat originales, commandant prestigieux à la volonté d'acier qui a marqué le début du déclin des impérialistes américains et sauveur de la nation. Et pour terminer, ils ont souligné que le président Kim Il-sung qui a mené à la victoire la guerre de libération de la patrie s'éternisera comme soleil éternel tu sais dans le cœur de l'humanité progressiste du monde aspirant à l'indépendance.